Scène 16. Les mêmes, plus Marthe, Julie, Amandine et Tiburce. Les trois femmes entrent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, venez mes amis! Dufossé a retrouvé sa voix! La noix, qui n'a pas cessé de chanter, continue l'air. Et la folle orgie du cœur et des sens. Mais taisez-vous donc, vous! Marthe, ton moyen est admirable. Pas possible. Sucheron prend quelque chose. Ah, je suis bien heureux, madame. Je serai exact. Voici vos jarretières. Merci. Il y tient. Mais vous me jurez que c'est en tout bien, tout honneur. Je le jure. Marthe rejoint Julie au fond de la scène. Amandine s'approche de Dufossé et s'adresse à lui en aparté. Oh, jeune homme, qu'allez-vous penser de moi? Hein? Aquarelle? Mais rien du tout. Dites un peu. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Décidément, c'est un tic. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ah, oh, ça ne peut être que lui. Oh, jeune homme, je vais être bien coupable. Allons, tant mieux, tant mieux. Il lui tourne le dos et remonte un peu. Oh, il est content, pauvre chéri. Et maintenant, je retourne au hanneton. Jamais de la vie. Au hanneton, vous, Tiburce, à vos arrosoirs. Et vous, Dufossé, à la gloire, à l'opéra. À nous, Landerneau. Pacarel et Landerneau se mettent à chanter en agitant leurs mouchoirs. Tous les imitent. Dufossé est totalement ahuri. Coucou! Ah! Le voilà! Colimaçon borgne! Coucou! Ah! Le voilà! Fin du deuxième acte. Rideau.